C'est la psychologie de singe. Parce qu'à un moment donné, j'ai un livre, il doit être dans mon entrepôt. C'est un psychologue, lui, il a étudié la dynamique des rapports puis la psychologie chez les groupes de jeunes délinquants. Si tu veux comprendre comment ça marche, la politique, tu lis ce livre-là. Comment que c'est les mêmes erreurs, c'est les mêmes mécaniques, c'est les mêmes choses. C'est la même affaire. Ça marche de la même façon. C'est là que tu vois que c'est des humains qui, c'est des humains très, très, très humains qui nous gouvernent parce que c'est des singes. Ils sont mécaniques. Je veux dire, à un moment donné, ils sélectionnent ceux qui en ont pas de conscience jusqu'à un certain point parce que il y a des affaires que c'est là qu'il y a le filtre parce que t'en as leurs scrupules, les blocs là, ils iront pas plus loin. Mais le pouvoir, ça vient tout le temps en brisant des tabous. Puis ça, c'est culturel, c'est universel, t'as ça dans toutes les cultures. Comment je pourrais dire ça? Regarde les sorciers amérindiens de certains coins des États-Unis. Le sorcier maléfique, qui a un pouvoir maléfique, c'est celui qui a transgressé les tabous. Toujours. Genre, je le situe, moi, tu sais, ça peut être l'imagination, là, les horreurs, c'est le temps. C'est ça, des tabous. C'est tout ce qui est abominable, c'est-à-dire qui va contre les lois d'harmonie, puis qui va contre la vie. Notre société, d'une certaine façon, c'est du monde comme ça, qui ont le pouvoir, puis c'est même pas le vrai pouvoir. Parce que les gens qui transgressent des tabous, qui s'humilient pour avoir du pouvoir, c'est pas eux autres qui mènent pour vrai, c'est des domestiques, ça. Sont Puis je dis des manipulés. domestiques, Ouais. comme on disait, un démon familier. C'est des créatures. Pour ça, des fois, du monde, je veux dire, juste une créature politique. C'est quoi une créature, dans le fond? C'est quelqu'un qui a été créé par d'autres pour une fonction spécifique. Mais c'est une façon de parler, mais c'est ça pareil.